Je mène une vie de fou. Je sens que je vais craquer. À peine suis-je debout, je commence à flipper. Je tartine sur mon pain blanc, de la pâte dentifrice. Et sur ma brosse à dents, j'étale du foie de génisse. Je suis... Je suis pire. Je me libriomise, je voudrais t'en faire ma valise. Prendre le tram pour Katmandou, ne plus entendre que les sardous. Je jouais de la guitare avec deux, trois copains. Un type à gros cigare nous enregistre demain. C'est pareil en amour, je peux pas voir une fille, lui dire un petit bonjour sans qu'elle saute dans mon lit. Je suis... Je suis speed. Je suis speed. Je suis speed. Speed, speed, speed, speed. Je suis speed. Ma vie est rapide, je n'arrive plus à suivre. C'est trop rapide, laissez-moi le temps de vivre. J'aimerais partir, j'aimerais tout oublier. M'endormir sous un cocotier. Allez consulter le toubib de mon quartier. Et pour mes nerfs malades, il me conseille la promenade au jardin botanique. Je suis allé, c'est trop fort. Je me suis fait mordre là par une plante carnivore. Je suis... Thank you.